plus être le dernier que l'on route. Où des gens cachent autour d'une table, créent nuit et jour une vraie basse-cour.